Catherine de Médicis, R.H. de Fels. Le 28 octobre de l'an 1533, venant de la porte de Bagne, un cortège somptueux défilait, au viva populaire, à travers les rues de Marseille, parées d'arcs de triomphe, de tapisseries tendues sous des balcons, surchargées de bourgeois en habits de fête. Derrière des héros d'armes, entourés de cavaliers, arrivait de Florence, une fillette de 14 ans, hissée sur une chaise, vêtue de pourpre et de toile d'or, rigide dans son corsage, sertie de pierreries comme une châsse. La petite fille de 14 ans était Catherine de Médicis, atteignant, ce jour-là, à la première étape des rêves qu'avait déjà formé sa jeune imagination. Car ce n'était plus une jouvencelle au cœur simple qui venait épouser à Marseille Henri d'Orléans, fils cadet du roi de France. Elle apprécia sa valeur ce mariage, qui l'enlevait aux luttes féroces, mais à ambition limitée, des petites villes italiennes et qui la rendait princesse d'une grande nation. Il lui seyait aussi que, pour rendre plus solennelle la pompe nuptiale, le pape Clément VII, son oncle, fut arrivé, quelques jours auparavant, sur ses galères pontificales, avec sa suite de prélats mitrés, et qu'aussi François Ier eut accompagné à Marseille le jeune fiancé à la tête d'une magnifique cavalcade de 4000 seigneurs français. Aussi, en cette première minute où elle approchait du trône d'Hélys, Catherine, le geste gracieux, le sourire aux lèvres, s'efforça-t-elle de plaire et d'effacer par sa gentillesse ce que pouvait avoir de peu séduisant, la lourdeur de ses traits, son profil bruyant et le mystère de ses yeux impassibles. François Ier lui fut de suite acquis, et il la nomma sur le champ Iris, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, signe des belles journées après les tempêtes. Une belle journée s'en était une, à coup sûr, pour elle, et qui terminait bien des tempêtes subies déjà dans sa ville natale. Et tandis que les cloches sonnaient la joie sur Marseille en fête, qu'agenouillée aux pieds de Clément VII, elle recevait la bénédiction nuptiale, Catherine songea peut-être à ce siège de Florence pendant lequel, sur l'ordre d'un reître, elle faillit, à l'âge de 9 ans, être attachée entre deux créneaux exposés aux canons des assiégeants. Mais il est moins certain qu'elle souhaitât, à cet instant, qu'une existence sereine s'ouvrit alors à elle. Les circonstances banales n'étaient pas selon sa nature. Trop d'ardeur, de volonté et d'ambition, héritage des Médicis, agitaient cet être passionné. Nul ne s'en doutait encore, nul ne s'en douta pendant 26 ans. Car de l'enfant souriante qui aspire à l'autorité, à la reine noire, funèbre et tragique sous ses voiles, qui réalise, en d'effroyables circonstances, le rêve de domination, il y a 26 ans, de dissimulation infinie et de patience. À la cour de France, duchesse d'Orléans, puis dauphine, enfin reine, Catherine, malgré sa convoitise du pouvoir, n'occupe même pas la place à laquelle elle a droit. Son époux est entièrement dominé par la favorite, Diane de Poitiers. Catherine ne s'avise pas d'entamer une lutte dangereuse. Elle subit les affronts les plus offensants sans en rien faire paraître. Elle sourit même sur ses rancœurs. Elle ne semble préoccupée que d'enfantillage. Mais masquée d'indifférence, ne se confiant à personne, elle observe mieux les êtres qui l'entourent, juge leurs moyens, leurs ambitions et leurs vices, les possibilités d'en obtenir un appui ou d'en faire des complices. Jamais romancier ne conçut personnage aussi complexe que cette reine qui s'ouvre avec une minutie patiente l'accès du pouvoir et se forme dans l'ombre une philosophie redoutable sur les hommes passionnés et féroces de son temps. À peine si dans les 10 années qui suivent son mariage, elle se départit de son silence pour se défendre avec un art qui révèle déjà son génie contre une répudiation probable avant la naissance tardive de son premier enfant. Puis elle reprend auprès de ses berceaux, devenus bientôt nombreux, son poste d'observation. Cependant, elle a fini par circonvenir l'esprit de son époux. Henri II commence à montrer plus de prévenance à son égard, puis quelque confiance. Quand il part pour la guerre d'Allemagne en 1558, il lui laisse la régence en lui adjoignant, il est vrai, le garde des Sceaux, Bertrandi. Catherine de Médicis reçoit le pouvoir sans modifier sa contenance humble. Mais l'opportunité et l'énergie de ses ordres relèguent l'assesseur au rôle de mince figurant. Dans la mesure où les événements deviennent critiques, l'autorité et l'esprit de décision de la reine grandissent par un jeu naturel. À l'annonce de la défaite de Saint-Quentin, les meilleurs officiers tués, le connétable de Montmorency prisonnier, Henri II enfermé dans Compiègne, Catherine, seule à agir, bondit au Parlement, obtient les subsides nécessaires, organise la défense et sauve la situation. Le temps de parer au désastre, la cour, le Parlement, le peuple, le roi même, ont deviné la griffe d'un maître. Mais Catherine, redevenue tout velours, a repris son ancienne place modeste. Elle va avec Henri II au château d'Anet, chez Diane de Poitiers. Elle est plus doucereuse, plus aimable, moins triomphante que jamais. Car il s'agit moins maintenant de ménager la favorite royale que la protégée des Guises, les puissantes de demain. Et demain sera son règne, elle le pressent. Henri II est tué en 1559 au cours d'une joute d'armes par Montgomery. Catherine était préparée à cette mort. Luc Goric et Nostradamus, les grands astrologues d'alors, l'avaient prédite, et la fille des Médicis, qui de son intelligence, de sa subtilité et de sa volonté domine toute son époque, croyait à la magie, à la vertu des talismans et des filtres. Catherine donnait de mystérieuses audiences à ses devins, et aussi à bien d'autres magiciens, aux costumes extravagants, dont le moindre fabriquait des breuvages destinés à rendre invulnérables, et dont les plus ténébreux savaient vous débarrasser de vos ennemis à longue distance par des incantations ou des envoûtements. Catherine usait surtout de l'art de Michel de Notre-Dame, qui avait si bien réussi dans son horoscope sur Henri II. Devenue veuve, elle lui installa dans son château de Chaumont-sur-Loire un cabinet où se passèrent de bien étranges scènes, si l'on en croit la légende. La reine recevait à porte ouverte tous les pourvoyeurs de talismans. Elle portait sur elle les médailles les plus bizarres, s'abreuvait en maintes circonstances des filtres préparés de la façon la plus saugrenue, et comme il lui avait été dit que les nains écartaient le malheur et la maladie, elle s'était constituée une cour intime d'êtres grotesques. Et l'on ne pénétrait plus chez elle sans apercevoir à ses pieds, ou vainquant à quelques jeux d'idiots, dans un coin du salon, la turque, la mort, la jaquette, le grand polacre et le petit polacron, tout haut comme des bottes, tordus, bossus et boiteux. La préférée de ces fétiches humains se nommait la jardinière, à qui Catherine avait donné une gouvernante, un perroquet, une guenon, et aussi, en grande solennité, un marinin, difforme à souhait. Au milieu de ces fantoches ridicules, entourées de ces devins qui scrutent les astres ou le sang des pigeons décapités, Catherine de Médicis, que l'embonpoint a gagné, qu'aucune coquetterie féminine ne retient, se compose une silhouette impressionnante et funèbre. Émergeant de sa robe montante endeuillée, son visage pâle, aux yeux impitoyables, apparaît sinistre sous le chaperon sombre, tombant en pointe sur le front. C'est le diable noir, comme on l'appelle par la ville, et ce surnom lui sied, comme il lui plaît que sa superstition donne à sa figure plus de mystère, comme il lui plaira encore qu'à chaque mort suspecte, on accuse son parfumeur d'avoir dépêché, sur son ordre, une poire de senteur empoisonnée à la victime. La terreur qu'inspire son nom ne peut qu'être utile à ses desseins, car Catherine de Médicis a admirablement compris son époque et utilisé sans remords et supérieurement aux autres tous les moyens, ruses, félonies, crimes, employés couramment par ses contemporains. Encore n'en arrivait-elle là que lorsqu'elle le jugeait nécessaire pour défendre sa couvée et la couronne de France. Mais alors sa décision était prompte, son geste impitoyable. « Tant plus de morts, tant moins d'ennemis », disait-elle, et elle n'attendait pas pour frapper que l'envoûteur eût obtenu un résultat des petites figurines de cire qu'il avait percées à l'endroit du cœur. Cette femme croyait, certes, aux sortilèges et aux prédictions, mais sans que pour si peu son ardeur à la lutte en fût compromise, son ambition contrainte ou son étonnante perspicacité faussée. Cependant, après le court règne de son fils, François II, Catherine, qui a aussitôt fait proclamer roi son cadet Charles, se saisit de la régence. Dans le chaos politique des guerres de religion, personne sur qui compter. Les haines de catholiques à huguenots ont rendu plus terribles les querelles des grands féodaux. Seule contre tous, elle se met à la besogne. Avant tout, elle cherche à abaisser les plus dangereux, les Guises, et elle rend la liberté au prince de Condé, chef des Huguenots. Va-t-elle se déclarer pour ces derniers? Une autre raison que sa défiance envers les princes lorrains la pousserait à le faire. La régente poursuit, en effet, la grande politique française d'abaissement de la maison d'Autriche, et justement, Philippe II se mêle de vouloir obliger la France à se défaire du protestantisme. et Catherine, dont nul ne devine le jeu, entretient des intelligences chez les deux adversaires qu'elle réconcilie ou excite, mais qu'elle méprise tous deux. Les uns ou les autres, elle les supprimera sans scrupule si besoin est. Pendant une trêve, en 1565, elle traverse la France pour assurer l'autorité de son fils sur les provinces. Elle va jusqu'à Bayonne, où elle a une entrevue avec le duc d'Albe, messager de Philippe II. Le sort des Huguenots fut-il résolu ce jour-là? C'est du 27 septembre 1567, jour du coup de main de Meaux tenté par un parti protestant pour s'emparer de Charles IX, qui s'enfuit, à peine vêtu, sur un cheval sans selle, que date la résolution de la régente de se débarrasser des chefs parpaillots. Mais à ce moment, ce ne peut être qu'œuvre de longue haleine. La France est dévastée par les deux partis. On se bat devant Paris, à Saint-Denis. Rien n'abat la reine-mère, dont grandissent l'audace, la décision et l'énergie. Des morts, aussi utiles que mystérieuses, suppléent aux batailles indécises et la toile où vont se perdre les Huguenots se tisse dans l'ombre. La paix de Saint-Germain est signée avec eux. Catherine ordonne à sa fille Marguerite d'épouser Henri de Bourbon. Ce mariage attire à Paris tous les protestants de marque. « Les oiseaux sont dans la cage, dira-t-on. Le fait certain est que l'assassinat de Gaspard de Coligny, leur chef, est décidé entre les Guises et la régente. Le reste s'en suivit. Morbel, chargé du meurtre, blesse seulement l'amiral. Catherine se mettait à table quand parvint la nouvelle. Sans un geste d'étonnement, elle se leva, se rendit au jeu de pommes où se trouvait le roi. Charles IX s'en fut chez Coligny. Celui-ci seul parla au roi en ces termes. « Sire, défiez-vous de madame la reine-mère. » Le mot ayant été rapporté à Catherine par son fils, le prévôt des marchands, homogage des Guises, est mandé au Louvre. Il déclare pouvoir assembler 20 000 combattants. Des ordres lui sont donnés. « Tuez-les donc tous, tous » entend-on dans les couloirs du palais. « Tous, non pas !» dit la reine, de sa voix impassible. « Il nous faut Henri de Navarre à opposer aux Guises, car de ceux-ci, les Guises vont sortir formidables. » Effectivement, au cours de cette nuit du 22 août 1572, dans le Louvre silencieux, on entendit la reine-mère se rendre aux appartements de sa fille Marguerite et lui intimer l'ordre d'aller rejoindre son époux, le futur Henri IV, pour le protéger de sa personne. Après quoi, Catherine de Médicis jeta un nouvel ordre bref, celui de faire carillonner la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois, plus rapprochée du Louvre que celle du palais d'abord indiquée. Jamais Catherine ne rejeta la responsabilité des assassinats de cette nuit de la Saint-Barthélemy, ce qui ne l'empêcha pas de permettre un complet désaveu des événements dans les clauses de la paix de 1576. Mais son fils préféré, Henri III, celui qui, dans sa faiblesse, ressemblait le plus à sa mère, était monté sur le trône. Ce n'était pas un grand politique que le fils de cette femme extraordinaire, mais d'elle, il tenait la manière de se débarrasser des ennemis gênants, ce qu'il montra en faisant assassiner le balafré à Blois. Catherine de Médicis vécut assez pour apprécier le geste, mais pour blâmer l'heure mal choisie. Elle mourait dans ce même palais de Blois, âgée de 70 ans. Avant de quitter ce monde, elle put encore une dernière fois se convaincre de la valeur des prédictions. Le prêtre qui la confessa s'appelait Julien de Saint-Germain. « Ah, mon Dieu, je suis morte !» dit-elle quand elle apprit ce nom. Elle se souvenait en effet que le mage Coam Ruggieri lui avait dit un jour de se méfier de Saint-Germain. C'était Catherine de Médicis par H. de Fels.